Au milieu de la lutte pour dénoncer les crimes d'esclavage sexuel pour l'ancienne armée nippone et en réclamer les excuses et indemnisations au sein de la société sud-coréenne, une centaine d'écoles supérieures livrent dynamiquement la campagne pour mettre sur pied la statue réduite de la fillette esclave sexuelle. Après le commencement de ce mouvement l'année dernière à l'école supérieure pour filles d'Ivran, 32 écoles supérieures ont construit la statue de la fillette dans toute l'étendue du pays jusqu'au mois de janvier de cette année. Le 22 courant, l'école supérieure de Sangmo à Gwangju l'a construite dans son campus, apprenant du journal internet sud-coréen La Voix du Peuple.